qu'on ne comprend tous ces mystères, les mots de nos romans, nos belles paroles, nos idées folles. On laisse nos qu'est-ce que l'on peut.